Lévitique chapitre 17. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle à Aaron et à ses fils, et à tous les enfants d'Israël, et leur dit, c'est ici ce que l'Éternel a commandé, en disant, quiconque de la maison d'Israël aura égorgé un bœuf, ou un agneau, ou une chèvre dans le camp, ou qui l'aura égorgé hors du camp, et ne l'aura point amené à l'entrée du tabernacle d'assignation pour en faire une offrande à l'Éternel. Devant le pavillon de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme-là, il a répandu du sang, c'est pourquoi cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Afin que les enfants d'Israël amènent leurs sacrifices, lesquels ils sacrifient dans les champs, qu'ils les amènent, dis-je, à l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation, vers le sacrificateur, et qu'il les sacrifie en sacrifice de prospérité à l'Éternel, et que le sacrificateur en répande le sang sur l'autel de l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation, et en fasse fumer la graisse en bonne odeur à l'Éternel, et qu'ils n'offrent plus leurs sacrifices au diable, avec lesquels ils ont paillardé. Que cela soit une ordonnance perpétuelle en leurs âges. Tu leur diras donc, quiconque des enfants d'Israël, ou des étrangers qui font leur séjour parmi eux, aura offert un holocauste ou un sacrifice, et qui ne l'aura point amené à l'entrée du tabernacle d'assignation, pour le sacrifier à l'Éternel, cet homme-là sera retranché d'entre ses peuples. Quiconque de la famille d'Israël, ou des étrangers qui font leur séjour parmi eux, aura mangé de quelque sang que ce soit, je mettrai ma face contre cette personne qui aura mangé du sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang, c'est pourquoi je vous ai ordonné, qu'il soit mis sur l'autel afin de faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fera propitiation pour l'âme. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, que personne d'entre vous ne mange du sang, que l'étranger même qui fait son séjour parmi vous, ne mange point de sang. Et quiconque des enfants d'Israël, et des étrangers qui font leur séjour parmi eux, aura pris à la chasse une bête sauvage, ou un oiseau que l'on mange, il répandra leur sang, et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair est dans son sang, c'est son âme, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez point le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Et toute personne qui aura mangé de la chair de quelque bête morte d'elle-même, ou déchirée par les bêtes sauvages, tant celui qui est né au pays que l'étranger, lavera ses vêtements, et se lavera avec de l'eau, et il sera souillé jusqu'au soir, puis il sera net. Que s'il ne lave pas ses vêtements, et sa chair, il portera son iniquité.